Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Alors que l'armée achéenne, assaillie de toutes parts, semblait vouée à la défaite, Patrocle a emprunté à Achille ses armes, son char et ses soldats pour mener une ultime contre-attaque. La ruse a fonctionné. Épouvantés par celui qu'ils ont pris pour le plus terrible des guerriers, les Troyens ont battu en retraite. Mais oubliant la mise en garde d'Achille, qui lui avait pourtant interdit de les poursuivre jusqu'aux remparts de la ville, Patrocle, grisé par son succès, a voulu défier Hector lui-même. C'est finalement lui qui tomba dans la poussière, transpercé par la lance de l'ennemi. Huitième épisode. Antilochos, Agamemnon. Le premier à comprendre que Patrocle était mort fut Ménélas. Il accourut et se mit devant son cadavre en brandissant sa lance et son bouclier, prêt à tuer quiconque approcherait. Arriva Euphorbe, celui qui avait le premier frappé Patrocle. Il voulait recueillir son triomphe. Mais Ménélas lui hurla « Tiens-toi au large si tu ne veux pas mourir. Tu sais ce qui est arrivé à ton frère quand il m'a défié. Il n'est pas rentré chez lui sur ses jambes pour réjouir son épouse et ses parents. J'écraserai ta force à toi aussi si tu ne disparais pas. » Euphorbe était le plus beau de tous les Troyens. Il avait des boucles splendides tressées sur sa tête avec des fermoirs d'or et d'argent. Il hurla à Ménélas qu'il vengerait son frère et envoya sa lance sur lui. La pointe de bronze se cassa sur le bouclier. Et Ménélas, alors, bondit sur lui et planta sa lance dans sa gorge, appuyant de toute la force de son bras. De part en part, la pointe traversa le cou délicat et ses cheveux se mouillèrent de sang. Il s'abattit au sol comme un plant d'olivier, jeune, beau, fort, couvert de fleurs blanches, renversé brusquement par la foudre dans la tempête. Ménélas se pencha pour lui ôter ses armes quand il s'aperçut qu'Hector accourait vers lui, féroce, hurlant de manière terrible. Il eut peur et laissa le corps de Patrocle. Et il commença à reculer, cherchant des yeux autour de lui une aide. Il vit Ajax et se mit à lui crier « Patrocle est mort, Ajax !» Et déjà Hector lui prend ses armes. « Allons le défendre, combat avec moi !» Et Ajax se retourna et s'émut dans son cœur. Il accourut pour l'aider. Tous deux revinrent près de Patrocle et virent qu'Hector déjà lui avait enlevé ses armes glorieuses et saisissait maintenant son épée pour lui trancher la tête et abandonner ensuite le cadavre là, en pâture aux chiens. Ajax se rua sur lui avec tant de férocité qu'Hector lâcha sa proie et se retira au milieu des siens. Ajax se pencha sur le corps de Patrocle et le recouvrit de son bouclier immense en forme de tour. Il se tenait là comme se tient le lion près de ses petits quand il flaire les chasseurs. Les Troyens s'étaient aperçus qu'Hector avait fui devant Ajax, et ils le regardaient d'un air égaré. Je me souviens d'avoir entendu Glaucos qui hurlait « Tu es un lâche, Hector, tu n'as pas affronté Ajax parce qu'il est plus fort que toi, et maintenant tu lui laisses le corps de Patrocle qui aurait été un butin précieux pour nous !» Alors Hector fit une chose que personne n'oubliera. Il rattrapa en courant ses compagnons qui étaient en train de ramener les armes de Patrocle dans la ville comme un trophée. Il les arrêta, enleva ses propres armes, mit sur lui les armes immortelles qu'Achille avait données à son ami pour aller à la bataille. Il les revêtit et elles devinrent siennes, les armes immortelles d'Achille. Son corps sous ses armes, il semblait né pour ces armes-là. Et tout à coup, il rayonna de force et de vigueur. Il passa resplendissant devant tous ses guerriers, étincelant sous les armes qu'ils avaient regardées des années durant avec terreur. Et à présent, il les faisait aller et venir devant leurs yeux. Il le regardait stupéfait, Glaucos, Médon, Tersilochos, Astéropée. Il le regardait passer, fasciné. Et Hector leur cria « Combattez avec moi, alliés des mille tribus. Moi, je vous dis que celui qui traînera le cadavre de Patrocle dans les rangs des Troyens, en faisant plier Ajax, celui-là partagera avec moi ce corps, et la gloire sera égale pour lui et pour moi. Et tous, avec fureur, se ruèrent contre les Achéens. Ajax les vit arriver, et comprit que ni lui ni Ménélas ne pouvaient les arrêter. Alors il se mit à appeler à l'aide. Et Idoménée d'abord, Mérion et Ajax d'Oïlée ensuite, et d'autres valeureux l'entendirent et se précipitèrent à ses côtés. Les Troyens chargèrent en masse, tous derrière Hector. Autour d'Ajax, les Achéens se rangèrent d'un seul cœur, protégés par leurs boucliers de bronze. La première vague de Troyens les repoussa, les obligeant à abandonner le corps de Patrocle. Mais Ajax ramena les siens à l'attaque, jusqu'au moment où ils réussirent à arracher de nouveau ce corps des mains des Troyens. C'était une lutte terrible, une dispute effroyable. La fatigue et la sueur souillaient les jambes et les genoux et les pieds et les mains et les yeux de tous ceux qui se battaient autour de ce cadavre. De toutes parts, des guerriers agrippaient le corps de Patrocle et le tiraient. On aurait dit la peau d'un animal quand on la tend pour la faire sécher. Il ne le savait pas encore, Achille, que son bien-aimé était mort. Sa tante était loin, sous les noirs navires, et Patrocle était allé mourir sous les murs de Troie. Il ne pouvait pas le savoir. Mais je l'imagine là-bas, dans sa tente, pensant encore que Patrocle reviendrait bientôt après avoir chassé les Troyens, et lui rendrait ses armes, et ils festoieraient ensemble, et pendant qu'il se disait cela, Patrocle était déjà à ce moment-là un cadavre qu'on se disputait de toutes parts. Et autour de lui, les guerriers s'entretuaient, et luisaient les lances aiguës, et se heurtaient avec fracas les boucliers de bronze. Xanthos et Balios étaient les chevaux immortels d'Achille, et ils avaient mené Patrocle à la bataille. Eh bien, quand Patrocle tomba, Automédon les emmena loin de la mêlée, pensant les mettre en sûreté en les faisant galoper jusqu'au navire. Mais eux, arrivés au milieu de la plaine, ils s'arrêtèrent d'un seul coup. Ils s'immobilisèrent, car leur cœur était brisé de douleur par la mort de Patrocle. Il essayait de les faire avancer, Automédon, à coups de fouet ou de douces implorations, mais pas question pour eux de revenir au navire. Ils restaient immobiles, comme une stèle de pierre sur la tombe d'un homme, avec leurs museaux qui frôlaient la terre, et ils pleuraient. Des larmes brûlantes, elles coulaient de leurs yeux, c'est la légende qu'il dit. Ils pleuraient. Ils étaient nés pour endurer la vieillesse et la mort, eux. Ils étaient immortels. Mais ils avaient galopé aux côtés de l'homme, et de lui, maintenant, ils apprenaient la douleur. Car il n'y a rien sur la face de la terre, rien qui respire ou qui marche, rien d'aussi malheureux que l'homme. À la fin, brusquement, les deux chevaux s'élancèrent au galop, mais en direction de la bataille. Automédon essaya de les arrêter, mais rien à faire. Ils se mirent à caracoler au milieu de la mêlée, comme ils auraient fait au combat, vous comprenez? Mais Automédon, sur le char, était tout seul. Il devait tenir les rênes. Il ne pouvait pas empoigner ses armes, bien sûr, et donc il ne pouvait tuer personne. Eux l'amenaient sur les guerriers et au cœur de l'affrontement, mais la vérité, c'est que lui ne pouvait pas combattre. La vérité, c'est que ce char ressemblait à un char fou qui, comme un vent, traverse la bataille, sans portée de coup, absurde et merveilleux. Puis les Achéens comprirent que cette bataille, ils allaient la perdre. Certains, comme Idoménée, abandonnèrent même la place, s'avouant vaincus. Les autres voulaient revenir près des navires, mais sans cesser de combattre, et en essayant d'emporter avec eux le corps de Patrocle. Quelqu'un dit aussi qu'il fallait avertir Achille de ce qui s'était passé. Et tous furent d'accord, sauf qu'on ne savait pas qui envoyer. On avait besoin de guerriers ici, et peut-être personne non plus ne voulait-il être celui qui apporterait à Achille la nouvelle de la mort de Patrocle. À la fin, ils choisirent un jeune garçon qu'Achille aimait, et qui, à ce moment-là, livrait combat loin du corps de Patrocle. Et ce jeune garçon, c'était moi. Je m'appelle Antilochos. Je suis un des fils de Nestor. Quand mon père partit pour la guerre, j'étais encore trop jeune pour partir avec lui. Je restais donc chez nous. Mais 5 ans plus tard, sans rien dire, je pris un navire et débarquai sur la plage de Troie. Je me présentai à Achille et lui dis toute la vérité, que je m'étais enfui pour venir combattre à ses côtés. « Mon père me tuera, » lui dis-je. Achille admira mon courage et ma beauté. « Ton père sera fier de toi, » me dit-il. Et il le fut. Je devins un des leurs. Et avec la folie d'un enfant, je fis cette guerre à leur côté. Jusqu'au jour où, en pleine bataille, je vis arriver Ménélas en courant, qui me cherchait et, arrivé près de moi, me regarda dans les yeux et me dit « Patrocle est mort, Antilochos. J'aurais voulu ne jamais devoir te la donner, cette nouvelle, mais c'est la vérité, Patrocle est mort, tué par les Troyens. » Je restais sans réponse. Je me mis juste à pleurer, là, au milieu de la bataille. J'entendis la voix de Ménélas qui me hurlait « Tu dois courir au navire et aller trouver Achille. » Et lui dire que Patrocle est mort et qu'il fasse quelque chose parce que nous essayons de sauver son corps, mais les Troyens ne nous lâchent pas et ils sont trop forts pour nous. Va, cours !» Et j'y allais. J'ôtai mes armes pour être plus léger et je traversai la plaine au pas de course, sans pouvoir cesser de pleurer, pas un seul instant. Quand j'arrivai au navire, je trouvai Achille, debout, qui scrutait l'horizon pour essayer de comprendre comment se déroulait la bataille. Je m'arrêtai devant lui. Je ne sais pas où je regardais quand je commençais à dire « Achille, fils du valeureux Pélée, il est arrivé une chose qui n'aurait jamais dû arriver, et c'est à moi de t'en apporter la nouvelle. Patrocle est mort, et les Achéens sont en train de combattre autour de son corps nu, car Hector lui a pris ses armes. » Un noir nuage de douleur aussitôt enveloppa le héros. Il se laissa tomber, par terre, et de ses deux mains, se mit à prendre de la poussière et la verser sur sa tête et sur son beau visage. Hors des tentes se précipitèrent les esclaves de guerre, et autour de lui, elles se mirent à crier de douleur, se frappant la poitrine et tombant à genoux. Achille sanglotait. Je me penchai sur lui et pris ses mains dans les miennes, car je ne voulais pas qu'il se tue avec ses mains là et une lame affilée. Il poussa un cri terrible et se mit à invoquer sa mère. « Mère, je t'avais demandé la douleur des Achéens pour leur faire payer l'offense qu'ils m'avaient faite, mais comment puis-je être heureux à présent? À présent que j'ai perdu pour toujours celui que j'honorais plus que tous mes autres compagnons et que j'aimais comme moi-même. Il est mort loin de sa patrie et je n'étais pas avec lui pour le défendre. J'étais assis dans ma tente, tu comprends ? Assis près de mon navire comme un fardeau inutile pour la terre, pendant qu'il mourait et que tant d'autres mouraient sous les coups d'Hector, j'étais ici, moi qui suis de tous les Achéens le plus grand dans la bataille. » Que disparaisse à jamais la colère du cœur des hommes, puisqu'elle est capable de rendre fous même les plus sages, en se glissant dans leur âme avec la douceur du miel pour monter ensuite comme une fumée dans leur esprit. Je dois réussir à oublier ma rancœur. Je dois partir d'ici pour aller chercher l'homme qui a tué mon compagnon bien-aimé. Ensuite, je mourrai moi aussi, je le sais, mère. Mais je veux d'abord briser avec ma lance la vie de cet homme et semer autour de moi tant de morts que les femmes de Troie regretteront le temps où cette guerre se faisait sans moi. » Il hurlait ces choses en pleurant, mais restait là, étendu dans la poussière. Alors je lui dis « Relève-toi, Achille. Les Achéens ont besoin de toi maintenant. Ils essaient de défendre le corps de Patrocle contre les Troyens, mais la bataille est rude et beaucoup sont en train de mourir. Hector est plein de fureur. Il veut ce cadavre, il veut lui décoller la tête pour la mettre au bout d'une pique et la brandir comme un trophée. Ne reste pas là, Achille. Quelle honte ce serait si tu laissais Patrocle finir jeté en pâture aux chiens de Troie. » Achille me regarda. « Comment pourrais-je revenir dans la bataille ?» me dit-il. « Mes armes sont aux mains des Troyens, et combattre avec des armes indignes de moi est impossible. Quel héros le ferait ? Comment pourrais-je » Je lui répondis alors, « Je sais, tes armes sont entre les mains d'Hector, mais même ainsi, sans armes, Montre-toi aux Troyens. La peur les saisira et les nôtres pourront souffler. » Alors il se releva et il marcha vers le talus du fossé, à la rencontre de la bataille. On voyait les nôtres revenir en courant, portant le corps de Patrocle à bout de bras, et Hector qui les poursuivait, avec les siens, les talonnant sans pitié. C'était comme vouloir arracher une charogne à un lion affamé. Ils essayaient de le tenir à distance, les deux Ajax, mais lui, chaque fois, il revenait tout près, comme un feu qui d'un seul coup s'embrase et menace une ville. Achille s'arrêta sur le bord le plus haut du fossé. Il n'avait pas d'armes sur lui, mais il brillait comme une flamme, comme un nuage d'or. Il regarda la bataille, puis lança un cri puissant, comme une sonnerie de trompette. Les Troyens en furent pétrifiés. Les chevaux aux belles crinières se cabrèrent, car ils sentaient l'odeur de la mort. Par trois fois, Achille cria, et par trois fois, la terreur descendit dans le cœur des Troyens. Nous les vîmes tourner leurs chars et se sauver, abandonnant la bataille, dévorés par l'angoisse. Quand les nôtres posèrent le corps de Patrocle sur une civière en sûreté, Achille s'approcha. Il posa les mains sur la poitrine de son bien-aimé avec douceur. Ses mains qui avaient l'habitude de tuer, il les posa sur sa poitrine et se mit à gémir, sans répit. Comme un lion à qui un chasseur, au cœur de la forêt, a enlevé ses petits. Ils pleurèrent sur ce corps toute la nuit. Ils l'avaient lavé du sang et de la poussière, et dans les plaies avaient versé un onguent très fin. Pour qu'il ne perde pas sa beauté, ils avaient fait couler de l'ambroisie et du nectar dans ses narines. Puis, ils avaient posé le corps sur un lit funèbre, enveloppé d'une douce toile de lin et recouvert d'un manteau blanc. Patrocle, ce n'était qu'un enfant. Je ne suis même pas sûr que ce fût un héros. Maintenant, ils en avaient fait un dieu. L'aube se leva sur leurs lamentations, et vint le jour dont je me souviendrai à jamais comme du jour de ma fin. Ils apportèrent à Achille les armes qu'avaient forgées pour lui les meilleurs artisans pendant la nuit, travaillant avec un art divin. Ils les posèrent à ses pieds. Lui, il tenait embrassé le corps de Patrocle, et il sanglotait. Son visage se tourna vers les armes, et ses yeux brillèrent d'une lumière sinistre. C'étaient des armes comme nul n'en avait jamais vu ou porté. Elles semblaient faites par un dieu pour un dieu. Alors il se releva, enfin. Il s'éloigna de ce corps et en criant, et marchant à grands pas entre les navires, il appela les guerriers à l'assemblée. Je compris que notre guerre allait se décider là, quand je vis arriver au pas de course, même les timoniers des navires ou les intendants des cuisines, des gens qui ne prenaient jamais part aux assemblées. Mais ils vinrent ce jour-là, eux aussi, se serrer autour des héros et des princes pour connaître leur destin. J'attendis que tous soient assis. J'attendis qu'Ajax arrive et qu'Ulysse vienne prendre sa place au premier rang. Je les vis arriver en boitant à cause de leurs blessures. Puis, le dernier, j'entrai dans l'assemblée. Achille se leva, tous se turent. Agamemnon, dit-il, ce ne fut pas une grande idée de nous disputer, toi et moi, pour une fille. Si elle était morte tout de suite, aussitôt montée sur mon navire, beaucoup d'Achéens n'auraient pas mordu la terre immense pendant que je restais assis loin d'eux, prisonnier de ma colère. Quoi qu'il se soit passé, il est temps de dompter mon cœur dans ma poitrine et d'oublier le passé. Aujourd'hui, j'abandonne ma colère et je reviens combattre. Toi, rassemble les Achéens et exhorte-les à combattre avec moi, pour que les Troyens ne dorment plus sous nos navires. » De toutes parts, les guerriers exultèrent. Dans cette grande clameur, je pris la parole. Je restai assis à ma place et demandai qu'on fît silence. Moi, le roi des rois, je dus demander qu'on fît silence. Puis je dis, « Beaucoup d'entre vous m'ont pris à partie, parce qu'un jour j'ai dépouillé Achille de sa part d'honneur. Et aujourd'hui, je sais que je me suis trompé. Mais les dieux ne se trompent-ils pas eux aussi? La bêtise a des pieds légers, Elle ne touche pas la terre, mais marche dans la tête des hommes pour leur ruine, et elle les saisit l'un après l'autre quand elle le veut. Ce jour-là, c'est moi qu'elle a saisi, et elle m'a ôté la raison. Aujourd'hui, je veux racheter cette erreur en t'offrant d'infinis présents, Agile. » Il m'écouta, puis il dit qu'il acceptait mes présents, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fallait aller à la bataille sans plus perdre de temps, car une grande entreprise l'attendait. Il était si follement avide de guerre qu'il ne pouvait pas attendre même une heure de plus. Alors, Ulysse se leva. « Achille, dit-il, tu ne peux pas emmener une armée à la bataille sans d'abord la faire manger. Ils vont devoir combattre toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Et seul celui qui a mangé et bu peut soutenir la bataille avec un cœur solide et des membres forts. Écoute-moi, renvoie les guerriers au navire, qu'ils se préparent un repas. Et pendant ce temps, faisons apporter par Agamemnon ses présents, ici, au milieu de l'assemblée, pour que tous puissent les voir et les admirer. Puis laisse Agamemnon jurer de manière solennelle, devant tous, qu'il ne s'est pas uni à Briseïs, comme le font les hommes et les femmes. Ton cœur sera plus serein quand tu iras à la bataille. Et toi, Agamemnon, organise un riche banquet dans ta tente pour Achille, afin que la justice qui lui est due soit entière. Il est digne d'un roi de demander pardon s'il a offensé quelqu'un. » Ainsi parla-t-il, mais Achille ne voulait rien savoir. « La terre est couverte des morts qu'Hector a semés derrière lui et vous voulez manger ? Nous mangerons au coucher du soleil, je veux que cette armée combatte affamée. Patrocle est un cadavre et il demande vengeance. Je vous le dis, moi, aucune nourriture ni boisson ne passera par ma gorge avant de l'avoir satisfait. Je me moque bien en ce moment des présents et des banquets. Je veux du sang et des carnages et des gémissements. » Ainsi dit-il. Mais Ulysse n'était pas du genre à se laisser plier. « Achille, meilleur d'entre les Achéens, tu es plus fort que moi pour manœuvrer la lance, c'est certain. Mais je suis plus sage que toi, parce que je suis vieux et que j'ai vu beaucoup de choses. Accepte mon conseil. Ce sera une dure bataille, et beaucoup de fatigues nous attendent avant de la remporter. Il est juste que nous pleurions nos morts, mais devons-nous le faire avec nos ventres ? N'est-ce pas notre droit aussi de nous remettre des fatigues et de retrouver notre force par la nourriture et le vin ? Celui qui meurt, ensevelissons-le d'une âme forte et pleurons-le de l'aube au coucher du soleil. Mais ensuite, pensons à nous, pour pouvoir recommencer à poursuivre l'ennemi avec vigueur, sans trêve, sans répit, sous les armes de bronze. Aussi, j'ordonne que personne n'aille à la bataille sans avoir mangé et bu. Tous ensemble, ensuite, nous nous lancerons sur les Troyens en réveillant l'atroce bataille. » Ainsi dit-il. Et ils obéirent. Et Achille obéit. Ulysse prit quelques jeunes gens avec lui et se rendit à ma tente. Il emporta l'un après l'autre les présents que j'avais promis, trépieds, chevaux, femmes, or et Briseïs. Il emporta tout cela au milieu de l'assemblée, puis me regarda. Je me levai. La blessure à mon bras était à devenir fou, mais je me levai. Moi, le roi des rois, je tendis les mains vers le ciel, et devant tous, je dus dire ces paroles. Je jure devant Zeus, et à la terre et au soleil, et aux Erinies, que jamais ma main n'a effleuré cette jeune fille qui s'appelle Briseïs, et que je n'ai jamais partagé ma couche avec elle. Elle est restée dans ma tente, et c'est intacte que je la restitue aujourd'hui. Que les dieux m'infligent des peines terribles si je n'ai pas dit la vérité. » Je ne mentais pas. J'avais pris cette fille, mais pas son cœur. Je la vis pleurer sur le corps de Patrocle, et je l'entendis parler comme jamais je ne l'avais entendu. « Patrocle, toi qui étais si cher à mon cœur, je t'ai laissé vivant, et je te retrouve mort. J'ai vu mourir mon mari, blessé par la lance d'Achille, et j'ai vu mourir tous mes frères, sous les murs de ma ville. Et quand je les pleurais, tu me consolais, et avec douceur tu me disais que tu m'emmènerais à Phti, et que là-bas, Achille me prendrait pour épouse, et que nous fêterions les noces tous ensemble dans la joie. Cette douceur, je la pleure aujourd'hui en te pleurant, toi, Patrocle. » Et elle embrassait ce corps, en sanglotant, au milieu des gémissements des autres femmes. Achille attendit que l'armée eût pris son repas. Lui ne voulut toucher ni nourriture ni vin. Quand les hommes commencèrent à se déverser hors des tentes et des navires, prêts pour la bataille, il revêtit ses nouvelles armes. Les belles jambières, avec les renforts d'argent aux chevilles, la cuirasse sur sa poitrine, l'épée accrochée à son épaule, le casque sur la tête brillant comme une étoile, et sa lance, la fameuse lance dont son père lui avait fait présent pour apporter la mort au héros. En dernier, il prit son bouclier. C'était un bouclier énorme et puissant. Il en jaillissait un éclat pareil à la lune. Le cosmos tout entier y était gravé. La terre et les eaux, les hommes et les étoiles, les vivants et les morts. Je le vis, resplendissant comme le soleil, monté sur son char et hurler à ses chevaux immortels de l'emporter vers la vengeance. Il leur en voulait, car il n'avait pas été capable de soustraire Patrocle à la mort en courant loin de la bataille. Aussi les insultait-il et criait après eux. Et la légende dit qu'ils lui répondirent, baissant le museau et arrachant les rênes, ils lui répondirent avec une voix humaine, et ils lui dirent « Nous courons aussi vite que le vent, Achille, mais plus vite que nous court ton destin vers la mort. » Homère, Iliade, d'Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Julien Campani, Juliane Eguerix et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Aussire.